Il me reste plus personne, j'ai que mes blancs et mon shit. Je peux dire beaucoup de monde mériterait des gifs. Je fais style, y'a tout qui va, je souris mais je souffre. J'espère que mon moral va remonter en voyant les chiffres. Ça critique, ça me chauffe, j'entends que ça chez neuf. Vaillant traître, alors qu'à la base y'a pas ça chez nous. Et j'ai la gisine, je fais tourner l'audi. Je passe vers le quartier, je trouve une mélodie. Sache que j'entends tout ce que l'on dit. Je suis où tu es maintenant et où tu vas être lundi. Non, je dors pas la nuit, j'ai plein de trucs dans la tête. J'ai qu'un frère et peu d'amis, ils veulent tous de la mettre. De toute façon, je garde la mine, et les gars prend la pêche. Au studio, c'est la Chine, je bosse dans la navette. Bientôt, je me tâche. Il me fait le signe, rouge de la leçon. Pistelle les seins, il bouge en même temps que le son. Le zin, je suis dans les nuages. Ton ennemi peut dormir dans les feuillages. Je cache le shit, y'a la douane là au péage. Poursuite, j'en ai sauté des grillages. J'ai fait dispute avec maman, j'ai évacué, j'ai dit je t'aime le lendemain. Même si c'est pas facile en ce moment, faut qu'on soit soudés comme les cinq toits de la main. M'avait mis l'œil, voyez plus tout, voyez son portefeuille. Content vous dire que je suis bien seul sans votre cirque. C'est pas de ma faute, vous me souhaitez le pire, moi je trinque à la botte. Et je vais faire la fête, je vais pas me prendre non, la tête. Non, j'sors pas la nuit, j'ai plein de trucs dans la tête. J'ai qu'un frère et peu d'amis, ils veulent tous de la mettre. De toute façon, je garde la mine, et ils garderont la pêche. Au studio, c'est la Chine, j'bosse dans la navette. Fortune.